Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant qu'au tournoi Midget de Drummondville hier, deux équipes qu'on surveille est en action. D'abord, du Marcos Pub, le Céphicien qui a gagné 7-0 sur les Voyers d'Elmer et les Ambassadeurs de Chougamau qui ont vaincu les Montagnards de Sainte-Agathe 3-2. Au tournoi Pee-Wee de Jonquière, les Bulldogs de Saint-Félicien l'ont emporté 2-0 hier en catégorie Pee-Wee 2B contre le Dynamo de Chicoutimi. Hier au Centre Georges Vézina, c'était le retour de Olivier Galipo et de German Rootsoff. Les Saguenay de Chicoutimi ont perdu 4-1 contre le Titan Acadie Batter. C'est Liam Steven qui a marqué le seul but des Sags. Tant que Galipo et Rootsoff, ils ont marché chacun une passe. Et l'arbitre d'Albanil, Justin Saint-Pierre, a décidé avec deux autres personnes, soit Mathieu Garon et Mathieu Deschênes, de fonder sa propre école de hockey. Donc le trio de personnes attend les gens au foyer des loisirs d'Arvida du 3 au 5 août prochain. En entrevue au journal Le Quotidien, Justin Saint-Pierre a mentionné que ça faisait plusieurs années qu'on pensait faire ce projet, mais que finalement on a décidé que cette année de mettre ce projet sur papier. Et selon Justin Saint-Pierre, plusieurs arbitres de la Ligue nationale pourraient venir prêter main forte au trio au mois d'août prochain. Si ça vous intéresse d'avoir des informations, une page Facebook a été fondée qui porte le nom d'École arbitre Justin Saint-Pierre. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Romain Bouillane, l'instructeur-chef des Castors de Debeau. On s'est également entretenu avec Pascal Germain, c'est la chronique de la NBA. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.